soldat s'entraînait sur la route, les deux bonnets. Un soldat s'entraînait sur la route avec ses vieux souliers. Tout le long de la ville, il y avait des veuves en le voyant si triste se mettre à pleurer. Marche, brave soldat, marche sur la route, marche. Il t'a fait prisonnier. Si je dis ce que je devais dire, il faut me libérer.